serré les poings et je me suis souvent battu. Et quand j'ai eu mal, je me suis tu. J'ai donné des coups, j'en ai reçu et je me suis perdu aussi, parfois dans le fond de la nuit. Mais le bleu du ciel et tous les soleils de tes yeux quand tu souris, toi qui as fait chanter ma vie. Mais le bleu du ciel et tous les soleils sont en moi quand tu souris et quand tu me donnes ta vie. Quand on s'aime et que tu dis, je suis si bien aujourd'hui. Et quand mes démons parfois reprennent le dessus, et quand je repars à corps perdu pour aller chercher d'autres amours, des amours d'une heure ou d'un jour, je reviens vers toi le cœur lourd. Mais le bleu du ciel et tous les soleils sont en moi quand tu souris et quand tu me donnes ta vie. Quand on s'aime et que tu dis, je suis si bien aujourd'hui. Ferme le poing, je chante alors, tout devient beau. J'ai toujours envie d'aller plus haut. Je n'ai plus de peur et je me dis que si tout va bien jusqu'ici, c'est un peu grâce à toi aussi. Et le bleu